Musique à fond dans l'MP3, Marco rentre chez lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne rentre pas aujourd'hui. Il est sorti plus tôt, donc il ne veut pas perdre de temps. Regarde ses baskets en marchant, presse le pas au milieu des gens. Il est 7h15, c'est l'heure qu'elle a choisie. Il quitte le trottoir, voit pas le 4x4 derrière lui. Il traverse, la voiture le renverse, son corps bascule, il n'entend que cette musique qui le berce. Pas vraiment de douleur, même si son sang coule. Il voit son corps de dessus au milieu de la foule. Plus de poids, il sent qu'il se détache, il voit la ville qui bouge. Dommage de mourir à cause d'un petit homme rouge. Le trajet de ce matin, sa dernière clope, sa première fois. Des paysages, de vagues images, ses meilleurs potes, ses mauvais choix. Petites amies, l'école, la colle, les potes, les filles, les billes. Les souvenirs brillent et s'impriment sur ses pupilles. Les sirènes, mais le silence et tous ces gens qui défilent. Avec ses ciseaux, la mort coupe un fil. Marco sent qu'il tombe, mais pourtant il monte. Il tournoie, doucement il s'éloigne de notre monde. Parce que la mort nous en a trop pris. Si c'est un jeu, elle triche. L'histoire que je vais vous raconter est si triste, c'est dingue. On quittera tout ce monde un jour et on le sait bien. Un instant, une seconde et d'un coup tout s'éteint. La mort en a trop pris, si c'est un jeu, elle triche. L'histoire que je vais vous raconter est si triste, c'est dingue. On quittera tout ce monde un jour et on le sait bien. Un instant, une seconde et d'un coup tout s'éteint. Là-haut, pas de portail, de nuages ou de lumière aveuglante. Pas de dieu, pas d'ange, de tunnel blanc, ni de grand temple. Le rien de tout ce qu'il imagine, le temps fuit sans bruit. Juste le sourire de ce parti avant lui. Un bonjour à son grand-père, parti pour un cancer. Un accueil chaleureux, juste entre eux, en plein cieux. Loin des tensions, drôle de destination. Marco est ému, lui qui n'a jamais pris l'avion. Loin des bourses en manque, pas de temps, pas de cigarettes ou de banque. Pas d'agent, non pas d'argent, de clan, de mitraillettes ou de tank. Pas de sud, pas de nord, pas de nul, pas de fort. Une petite leçon de vie, une grande leçon de mort. La fin sonne comme un nouveau début pour Marco. C'est dingue, comme nos vies lui sont petites vues de là-haut. Un souvenir d'Amérique, près des tués en Harley. En marchant au loin, il reconnaît la voix de Bob Marley. Il est bien dans ce monde, il ne sent plus son corps, mais garde son âme entière. Sur le cadran de sa montre, les aiguilles tournent à l'envers. Une vieille femme en noir, Marco s'approche, et madame s'il vous plaît. Mais c'est une autre histoire, attends le troisième couplet. Parce que la mort nous en a trop pris, si c'est un jeu elle triche. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas si triste. Pourquoi craint-on la mort si on croit au paradis? Pourquoi pleure-t-on encore quand un proche est parti? Parce que la mort nous en a trop pris, si c'est un jeu elle triche. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas si triste. Pourquoi craint-on la mort si on croit au paradis? Pourquoi pleure-t-on encore quand un proche est parti? Et madame, qui êtes-vous? Je suis la mort, tu sors d'où? Qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Tais-toi, Marco, c'est ça. Ouais, c'est moi, pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Je venais de m'installer, j'ai pas fait de mal, j'ai pas le choix. J'ai à peine 21 balais. Et je peux pas rester là, pitié que quelqu'un m'aide. C'est plus possible. On m'attend en bas, y'a tellement de gens qui m'aiment. Ici aussi, j'ai pas le temps, pousse-toi. On m'attend, je suis pressé. Dans une ruelle en bas, une femme vient de se faire agresser. Pourquoi elle? Pourquoi aujourd'hui tout doit s'arrêter? C'est pas moi qui choisis, j'ai une liste à respecter. Et où est-ce marqué notre heure, notre chemin? Dans un vieux livre sacré qu'on appelle le test. Au fait tu te plains mais tu as droit au billet retour, hein? Tiens voir ton grand-père, nous on se reverra un jour. Quoi? Marco sent alors des chocs dans sa poitrine. Il est tiré vers le bas, son âme s'illumine. Il revoit sa vie de sa mort jusqu'à sa naissance. Il descend la voix de son corps à contresens. Et là, un ami lui murmure à l'oreille. 1h30, l'hôpital, Marco se réveille.